Nous sommes dimanche le 13 février 2022. Bonjour chers auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition en langue française de la mi-journée. Au sommaire, célébration ce dimanche le 13 février de la journée mondiale de la radio. Les auditeurs des provinces Bujumbura et Muyinga apprécient en général les productions faites, mais demandent une couverture nationale plus effective. Et à la page sportive, début ce dimanche du championnat cross-country, 125 athlètes ont répondu présents. C'est parmi ces derniers que seront pris ceux qui représenteront le Burundi dans les compétitions internationales d'athlétisme. Et à la chronique nutrition, la chronique nutrition va nous parler des bienfaits du chou pour l'organisme, comme la prévention de l'hypertension. Odona Ishimie à la présentation, Erika Dogo assure la mise en onde. Tout de suite, les détails. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore une fois à certains habitants de la mairie de Bujumbura qui se sont exprimés au micro-trottoir de la radio Isanganiro, font savoir qu'ils suivent les radios. Toutefois, ils déplorent le fait que certaines radios se consacrent aux informations de grandes villes au détriment de celles de l'intérieur du pays. À cela s'ajoutent quelques-unes qui échappent à leur responsabilité et de chercher les réponses à leur doléance aux autorités habilitées. Suivez-le. Bien sûr que j'écoute la radio, car elle demeure notre source de nouvelles informations. Vous devriez également nous fournir des informations en provenance des points perdus via vos correspondants provinciaux dans la fléchère des faits, au lieu de vous consacrer seulement dans les grandes villes du pays. Moi, je n'écoute aucune radio. Et certains habitants de Muyinga affirment aimer les informations et les différentes émissions des radios. Toutefois, ils demandent que les émetteurs soient renforcés pour une meilleure écoute, puisque certaines s'entendent difficilement, d'autres pas du tout. Ils demandent aussi que les journalistes arrivent dans tous les coins du pays et de ne pas se contenter des informations des centres urbains. Et en cette journée mondiale de la radio, certains coins du pays ne sont pas servis par les radios locales. Ainsi, la population capte les radios des pays limitrophes. Une problématique que l'Association burundaise des radiodiffuseurs, ABR en sigle, a déjà discuté avec l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications. Suivez Onésime Haroubounou, président de l'ABR. Quand nous avons approché les auditeurs, on nous a dit que des fois, ils essaient de capter les radios locales et les radios nationales. Mais en un laps de temps, il y a des interférences des radios des pays voisins. Donc c'est un problème. Alors la question est connue même au niveau de la RCT. La RCT a déjà demandé aux responsables des médias ou des organisations partenaires de renforcer la puissance des émetteurs, de passer de 500 watts à 1000 jusqu'à 2000 watts pour effectivement rehausser la puissance des émetteurs. Au Burundi, la journée mondiale de la radio a été célébrée vendredi, le 11 février. On continue ce journal avec la page sportive. 125 athlètes ont répondu présents ce dimanche au championnat national d'athlétisme de Coast Country, organisé chaque année par la Confédération nationale d'athlétisme. Sylvain Singiumva, directeur technique de cette fédération, fait savoir que les athlètes classés premiers représenteront le Burundi dans les compétitions internationales d'athlétisme prévues entre le mois de juin et août 2022 aux îles Maurice et aux États-Unis d'Amérique. Suivez-le. C'est la sixième édition du Cross Country National. L'organisation technique de cet événement, c'est-à-dire que d'abord on a sélectionné des athlètes depuis au niveau de l'association provinciale. L'association provinciale doit trouver une équipe provinciale pour représenter au niveau de la région. La région généralement est composée par 4 à 5 associations. Il y a région nord, centre-est, ouest et sud. Alors, ici, au niveau de cet événement, au niveau national, ce sont les meilleurs athlètes sélectionnés au niveau régional qui se rencontrent ici. Donc, dès lors, là, on va trouver une équipe nationale au niveau cross-country. Et je signale que c'est la première phase de compétition de la fédération, la phase de cross-country. Il y aura la deuxième phase, la phase sur piste là où on va se mesurer sur les épreuves en stade. Là, c'est au niveau de la préparation générale, on va rentrer dans la préparation spécifique, là où on va, chaque athlète va alors maintenant s'orienter vers son épreuve propre, selon ses talents, selon ce qu'il a préparé. C'est un peu, donc au niveau technique, c'est ça, l'objectif de la compétition. D'abord, c'est avoir une équipe nationale. Et une fois qu'on est une compétition du genre au niveau Afrique, au niveau mondial, là, on doit répondre. Parce qu'il y a des pays qui organisent des cross-country. Il y a même au niveau de l'Afrique, il y a le cross-country africain, il y a le cross-country mondial. Là, il faut se préparer à temps. Donc, alors, c'est là où on doit être toujours prêt pour qu'à chaque fois qu'il y ait une compétition continentale ou mondiale, nous devons être prêts, essayer de voir quand même ce qu'il faut pour représenter le pays. Exactement, ce sont 25 athlètes qui se sont présentés, provenant de quatre régions. D'abord, ils entrent dans une équipe nationale de cross-country. Là, à chaque fois qu'il y ait une compétition à laquelle nous devons répondre, que ce soit au niveau régional, continental ou mondial, là, on aura une équipe qu'on va présenter. On va voir selon la performance, selon évidemment les mérites au niveau des performances. Là, on va essayer de voir qui peut représenter le Burundi sur quoi. Nous revenons sur cette information qui avait rencontré un petit problème technique. Certains habitants de la mairie de Bujumbura qui se sont exprimés au micro-trottoir de la radio Isanganiro font savoir qu'ils suivent les radios. Toutefois, ils déplorent le fait que certaines radios se consacrent plutôt aux informations des grandes villes au détriment de celles de l'intérieur du pays. À cela s'ajoutent quelques-unes qui échappent à leur responsabilité de chercher les réponses. À leur doléance aux autorités habilitées, suivez-les. Bien sûr que j'écoute la radio, car elle demeure notre source de nouvelles informations. Vous devriez également nous fournir des informations en provenance des points perdus via vos correspondants provinciaux dans la fléchère des faits, au lieu de vous consacrer seulement dans les grandes villes du pays. Moi, je n'écoute aucune radio. Radio turazumviriza kwese twumvirije mugabo rero iradio hano hamwe zorazirahindura nuko ushobora gusanga hari habantu bamwe zidashobora gusanga. Nous écoutons vraiment les radios, mais il faut qu'elles parviennent à entendre le micro à toutes les couches de la population burundaise. Usanga ku ruhande rumwe rumwe. Ce qui intéresse surtout aux chefs de certains services, les bureaucrates, au détriment des bas peuples. L'autre chose est que souvent, les radios échappent à leurs responsabilités en classant ensuite nos doléances, alors qu'elles devraient chercher à notre place les autorités habilitées pour que ces dernières y répondent. Nous aimons et suivons les radios, surtout la radio Isanganiro où nous suivons l'actualité. En ce qui me concerne, je suis satisfaite du travail des journalistes de la radio Isanganiro. Bakora neza en tout cas abanyemenyesha makuru bo muri radio Isanganiro. Je kukiwanje ni sawa fro. Ils devraient favoriser la diffusion de la musique burundaise au lieu de la musique étrangère. À la page santé, les données de la première dizaine du mois de février de cette année montrent que les cas confirmés de COVID-19 diminuent. Ainsi, selon les chiffres du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé, OMS, au Burundi, la situation est respectivement de 84 cas confirmés en date des 2 et 3 février, 40 cas confirmés le 4 février et de 14 cas confirmés le 5 février. En actualité internationale, en RDC, l'on parle de scandale de détournement de fonds publics. Au ministère de la Santé, l'Inspection générale des finances, IGF, a publié ce week-end un rapport sur la gestion notamment de 5 programmes du ministère de la Santé. 300 millions de dollars ont été détournés. Selon l'IGF, qui a passé au crible la gestion de ces services, ces 10 ces six dernières années. Ces faits ont été décelés, entre autres, dans les programmes de vaccination, de développement du système de santé ou encore au sein de la cellule d'appui et de gestion financière du ministère. C'est une prédation en bande organisée, commente le gendarme des finances publiques, comme c'est écrit sur le site internet de RFI. La majorité des détournements concernent l'inexistence des justificatifs. C'est le cas notamment du programme de vaccination. Dès la première ligne du rapport de l'IGF, révèle plus de 6 millions de dollars américains non traçables. Tout de suite, la chronique nutrition. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le calcium que possède le chou intervient dans la prévention de l'hypertension. Jean-Paul Winedza, chercheur nutritionniste, confirme que le chou également les tumeurs et d'autres maladies liées au cancer. Ce chercheur appelle les consommateurs à pratiquer la cuisson à vapeur. Homer d'Ohio. La fois dernière, nous avons parlé des vertus du chou en général. Aujourd'hui, nous revenons sur ses bienfaits sur la santé humaine. Jean-Paul Winedza, chercheur nutritionniste, explique que ce légume prévient différentes maladies, dont l'obésité. Les choux sont très riches en potassium et pauvres en sodium. Ces derniers minéraux influent directement sur la genèse de l'hypertension artérielle à cause de sa capacité à retenir l'eau et à croître le volume du sang. Les choux ont un effet aussi diurétique, d'où constitue un aliment très approprié pour les malades hypertendus, les malades des veines comme ça, comme l'artériosclérose, qu'on appelle en d'autres termes durcissement et rétrécissement des artères. En fait, les ténères en antioxydants, c'est-à-dire en vitamine A, vitamine C, vitamine E, qui sont considérés comme des antioxydants très puissants, contribuent à la régénération des parois artérielles. En cas aussi de l'obésité, on peut utiliser le chou. Le chou apporte très peu de calories. Selon toujours le chercheur, le chou guérit des vers intestinaux. Le chou exerce une action laxative. Son emploi congère en cas de constipation chronique et de diverticulose. Aussi pour des personnes qui ont des problèmes des os, surtout ostéoporose, en raison de la quantité notable de calcium que contient le chou, qui est moins du lin qu'on trouve dans le lait de vache. Ce genre de calcium entre très facilement dans notre organisme, d'où la consommation du chou régulière peut réduire les problèmes d'ostéoporose ou bien les problèmes des os. En cas de diabète, grâce à sa faible teneur en hydrates de carbone et à sa richesse en vitamines et en minéraux, le chou est très bien toléré par les diabétiques. De nombreuses expériences réalisées sur des rats ont prouvé l'action anticancéreuse. Toutes ces recherches démontrent que les animaux nourris avec des choux ne développent pas de tumeurs, même s'ils sont soumis à l'action des cancérigènes puissants comme le benzopyrène qui se trouve dans la fumée du tabac. Le chou se prépare de différentes manières. Jean-Paul Winedza recommande les consommateurs à ne pas le cuire trop longtemps pour conserver ses propriétés médicinales. Il faut choisir les feuilles les plus tendres, en fait les couper finement et après avoir fait cuire à feu doux, les assaisonner d'huile. Il faut mettre d'huile. Tu peux ajouter aussi du jus de citron et herbes antiflatirantes comme fenouil, cumin, graines de carvi, etc. Il faut aussi les mâcher lentement et bien les ensaliver et ne pas les consommer en même temps que d'autres légumes qui sont riches en cellulose et aussi des céréales complètes ou du son. Là, les problèmes flatulents peuvent quand même disparaître ou bien ne peuvent pas apparaître. En fait, de conserver au maximum des propriétés médicinales du chou, il est recommandé de ne pas le cuire trop longtemps. En fait, les éléments phytochimiques de type soufré sont sensibles à la chaleur et disparaissent si la cuisson est trop prolongée. Une autre manière de préparer le chou est de le cuire à vapeur, ajoute Jean-Paul Winedza, chercheur nutritionniste. Revenons à Muyinga, où certains habitants affirment aimer les informations et les différentes émissions des radios. Toutefois, ils demandent que les émetteurs soient renforcés pour une meilleure écoute, puisque certains s'entendent difficilement et d'autres pas du tout. Ils demandent aussi que les journalistes arrivent dans tous les coins du pays et de ne pas se contenter des informations des centres urbains. Pierre Clapet. Pierre Claver Balondi depuis Muyinga. Les émissions radiodiffusées, surtout celles en rapport avec le développement et le sport, ainsi que les informations, voilà ce qui attire les auditeurs des radios à Muyinga, comme certains l'ont exprimé à Radio Isanganiro ce dimanche. Ces derniers déplorent cependant que les radios burundaises soient faibles. Elles sont dominées par les radios étrangères. Ils avouent par exemple que la radio Isanganiro ne s'entend plus du tout, alors qu'auparavant, on pouvait l'écouter sans problème. Ils demandent que les émetteurs de ces radios soient renforcés. Un autre effort que les radios doivent consentir, c'est de déployer les journalistes dans tous les coins du pays, car, disait-il, la plupart d'informations radiodiffusées concernent les centres urbains, alors qu'il y a aussi dans ces coins des activités intéressantes, mais qui restent ignorées du public. Pierre Claver Barundi Muyinga, Radio Isanganiro. Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique, celle de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Odanda Ishimi était à la présentation. Eli Kadogo assurait la mise en onde. Bonne journée chez vous et au revoir.